33 les trains d'atterrissage. Messi Bugatti Doughty est aujourd'hui le leader mondial des systèmes d'atterrissage et de freinage aéronautique. Les origines de cette activité remontent en 1920 avec Georges Messier, pionnier des suspensions pneumatiques dont nous parlions à propos de la voiture exposée à côté. Georges Messier créa la société Messier Automobile, avant de produire également du matériel d'aviation. Parmi les innovations les plus notables mises au point par Messier Bugatti Doughty, citons l'introduction de l'acier à très haute résistance dans les années 50 et l'utilisation du carbone en remplacement de l'acier pour les freins, dans les années 80. Devant vous se trouvent les trains d'atterrissage de 4 avions de transport commercial renommés. De gauche à droite, on trouve les trains de la Caravelle du Concorde de l'Airbus A300 et enfin, de l'Airbus A320. Vous arrivez au terme de ce parcours. Mais avant de quitter le hangar aéronautique, prenez un peu de hauteur en montant sur la mezzanine, vous y verrez des drones, et tout un ensemble de maquettes d'avions motorisés par Safran. Vous pourrez aussi jouer les pilotes de chasse en prenant place à bord du Mirage.